Chapitre 6e. La mort de la reine était un grand événement pour Madame de Maintenon. L'inclination du roi n'était pas douteuse, il devenait libre. De son côté, elle ne pouvait rester insensible aux sentiments qu'il lui témoignait, mais elle était vertueuse. C'est à l'époque où Louis XIV était à l'apogée de sa puissance, dit M. de Noailles, que ce prince, voulant mêler aux fatigues du gouvernement les douceurs innocentes d'une vie privée, résolu, par un choix libre et réfléchi, d'unir sa destinée à celle d'une personne qui avait toute sa confiance et dont il connaissait depuis longtemps la modestie, la discrétion, la délicatesse et le désintéressement. Madame de Maintenon était douée d'un esprit droit et ferme, d'une humeur égale et patiente, d'une vertu qui lui rendait tout facile. Sa société était agréable et douce, sa parole était attrayante, son conseil toujours sage, son jugement sûr, son dévouement sincère. Elle attachait autant par les qualités du caractère que par les charmes de l'esprit. C'était en outre une admirable causeuse, et elle ne savait pas moins bien écouter, partie importante de l'art de causer. Elle ne s'interposait pas, mais elle était toujours là, toujours prête à dissiper les idées tristes, à remplir les moments de vide et d'ennui. Elle avait acquis enfin cette puissance légitime qui naît du bonheur qu'on donne chaque jour. Louis XIV ne pouvait plus se passer d'elle. Ne pouvant vivre seul, il se résolut donc, pour concilier à la fois son inclination, sa conscience, l'intérêt de sa famille et la douceur de sa vie, à épouser en secret une personne qui lui était devenue si nécessaire. Ce fut sans doute le plus beau triomphe de l'ascendant moral exercé par l'esprit et la vertu d'une femme sur un caractère superbe et fier tel que celui de Louis XIV. Ce triomphe de Madame de Maintenon, dit un écrivain moderne, fut celui de la société tout entière, et cette société d'élite, où il y avait émulation d'esprit, de raison et de bienséance, se sentit dignement récompensée de l'honnêteté de ses mœurs et de la culture de ses facultés par le prix qu'en recevait l'une d'elles. Cette société devait en effet croître en considération et acquérir plus d'influence à la cour et à la ville par l'élévation de Madame de Maintenon. C'est ce qui ne manqua pas d'arriver. À compter de cette époque, s'ouvre en effet la seconde partie du règne. L'on vit la cour changer d'aspect, et le roi, redevenu vertueux, y rendre aux mœurs et à la religion un empire qui s'étendit sur le royaume entier. Il est impossible de fixer la date précise du mariage de Madame de Maintenon et du roi, et cette incertitude montre avec quelle fidélité on en garda le secret. Il fit part de son projet à Louvois, qui, se jetant à ses pieds, le conjura d'y renoncer. Louis XIV, mécontent, lui ordonna de se retirer. On croit qu'il ne laissa pas ignorer cette circonstance à Madame de Maintenon, qui non seulement pardonna à ce ministre, mais apaisa le roi dans les mouvements de colère que l'humeur brusque de Louvois inspirait quelquefois à son maître. Le mariage fut célébré secrètement, dans un oratoire particulier de Versailles, par l'archevêque de Paris, en présence du père Lachaise, confesseur du roi, qui dit la messe, de Bontemps, premier valet de chambre, qui l'a servi, de M. de Montchevreuil et du chevalier de Forbin, ami de Madame de Maintenon. Il n'y eut probablement à cette occasion aucun acte écrit, car il ne s'agissait que d'un mariage de conscience, dont le secret, que le roi regardait comme une convenance due à sa couronne et à sa famille, devait être une condition expresse. Madame de Maintenon se conforma scrupuleusement à son intention. L'évêque de Chartres, directeur de Madame de Maintenon, écrivit au roi en 1697 pour le féliciter du rétablissement de la paix. Après lui avoir adressé les plus saintes et les plus sages exhortations pour le bien des peuples, « Il paraît bien véritablement, sire, ajouta-t-il, que le ciel a voulu vous donner une aide semblable à vous, au milieu de cette troupe d'hommes intéressés et trompeurs qui vous font la cour, en vous accordant une femme qui ressemble à la femme forte de l'Écriture, occupée de la gloire et du salut de son époux, et dans toutes sortes de bonnes œuvres. » Une autre lettre, du même prélat, adressée à Madame de Maintenon, contient les passages suivants. « Aimez le roi d'une grande charité, lui dit-il, soyez-lui soumise, comme faisait Sarah qui obéissait à Abraham. Dieu a voulu que vous fussiez élevée, aimée, considérée, afin de sanctifier ceux par qui vous êtes à la place des reines, et vous n'aurez pas plus de liberté qu'une petite bourgeoise. offrez-vous à tous et à Dieu et au roi pour l'amour de Dieu qui vous a choisi pour sa consolation et pour lui obéir. Le roi regarde encore trop la vertu et la perfection par ce qu'il y a d'austère et de rebutant à la nature. Quand il verra dans la personne qu'il aime et qu'il estime le plus une joie et une liberté d'esprit continuelle dans une parfaite innocence et dans un amour ardent des bonnes œuvres, Dieu lui fera la grâce d'aspirer au même bonheur. La femme fidèle sanctifie l'homme infidèle. Que sera-ce de l'homme chrétien ? Le roi ne révéla le secret de ce mariage que par des attentions, une déférence, une habitude de confiance publique qui indiquait assez ce qu'il y avait d'intime et de légitime dans son attachement. Il agissait en prince à qui les convenances ne permettaient pas de tout dire et à qui la conscience défendait de tout cacher. Quant à Madame de Maintenon, elle sut concilier merveilleusement toutes les difficultés de sa situation par une dignité de maintien, une simplicité naturelle, une modestie qui ne se laissait jamais forcer, un air d'aisance à la fois aimable et imposant, enfin par un tact et une mesure qu'elle puisait dans l'usage qu'elle avait du grand monde, aussi bien que dans la grâce et la délicatesse de son esprit. Son élévation, dit Voltaire, ne fut pour elle qu'une retraite. N'ayant pas de rang public et avoué, il eût été difficile qu'elle vécût habituellement au milieu de l'étiquette de la cour de Versailles, où elle se fût trouvée au-dessous de ce qu'elle était ou au-dessus de ce qu'elle paraissait être. Aussi vécut-elle retirée chez elle, ce qui d'ailleurs était conforme à ses goûts de tous les temps. Elle se borna à une société de dames peu nombreuses, se consacrant uniquement au roi, qui se délassait auprès d'elle des fatigues de la vie publique, dans les douceurs et le repos de la vie privée. Elle pensait en outre qu'admise comme elle l'était dans les secrets du roi, elle lui devait cette sécurité de n'avoir aucune liaison ni aucune habitude au dehors. La seule distinction publique qui faisait sentir son élévation secrète, c'est qu'à la messe, elle occupait une de ces petites tribunes aux lanternes dorées qui ne semblaient faites que pour la reine. D'ailleurs, nul extérieur de grandeur. Elle occupait, au haut du grand escalier de Versailles, un appartement de plein pied avec celui de Louis XIV. Le roi ne l'appelait que madame, et par le respect qu'il lui témoignait, il en donnait l'exemple à tous. Le roi passait chez elle tout le temps qu'il ne donnait pas au public, à ses conseils ou à ses promenades. Il y travaillait avec ses ministres, et elle y conservait un fauteuil en sa présence. Elle se levait un instant quand Monseigneur le Dauphin ou le duc d'Orléans, son frère, venaient lui rendre visite. Mais en public, Madame de Maintenon ne prenait aucun rang, elle n'était plus qu'une personne de la cour. « Je l'ai vue à Fontainebleau, dit Saint-Simon, en grand habit, chez la reine d'Angleterre, cédant absolument sa place et se reculant partout pour les femmes titrées, pour les femmes mêmes d'une qualité distinguée. Polie, affable, parlant comme une personne qui ne prétend rien, qui ne montre rien, mais qui imposait fort à ne considérer que ce qui était autour d'elle. Madame de Maintenon garda soigneusement le silence sur sa haute position, dont elle ne parut trahir le secret que dans une seule occasion. S'étant présentée à la grille des grandes carmélites, qu'il n'appartenait qu'aux reines de France de franchir, la supérieure lui dit « Madame, vous savez nos usages, c'est à vous de décider. »« Ouvrez, ma mère, » répondit Madame de Maintenon, « ouvrez toujours. » Elle n'usait cependant pas en cela des droits de reine, car un bref donné par le pape Innocent XII, le 28 octobre 1692, l'autorisait à entrer dans tous les monastères de France. Quant à Louis XIV, il se plaisait quelquefois à laisser échapper son secret. Pierre Mignard avait peint Madame de Maintenon en Sainte Françoise romaine. Il chargea Madame de Feuquières, sa fille, de demander au roi s'il pouvait mettre au portrait un manteau doublé d'hermine, ce qui était la marque d'une haute dignité. « Oui, répondit le roi, Sainte Françoise le mérite bien. » Par un retour naturel sur elle-même, les premières pensées de Madame de Maintenon, quand elle se vit ainsi au point d'élévation, se portèrent sur les demoiselles nobles et sans fortune. Elle en avait recueilli en 1679 un certain nombre à Ruel, dans un asile modeste dont nous avons parlé. Le roi lui donna, en 1683, la maison de Noisy dans le parc de Versailles, et en 1685, voulant prendre part à une aussi belle œuvre, il fit construire à Saint-Cyr la maison de Saint-Louis, la dota de revenus considérables et la fonda pour y élever 250 filles nobles et pauvres. Ce bel établissement a subsisté jusqu'à la Révolution. Madame de Maintenon reçut un brevet de fondatrice, et elle fut déclarée, par le roi et par l'évêque de Chartres, supérieure perpétuelle de cette communauté, pour le temporel comme pour le spirituel. Seulement, elle obtint du roi de n'être pas nommée dans la médaille qui fut frappée pour consacrer le souvenir de cette fondation. Elle-même rédigea le règlement des Dames de Saint-Louis, qui apparut sous le nom et avec l'autorité de l'évêque de Chartres. Elle se réserva un appartement dans cette maison, et souvent, elle venait s'y reposer des fatigues de la cour. Elle aimait à surveiller l'éducation des demoiselles, quelquefois même elle s'en occupait, et ne craignait pas de descendre dans les plus petits détails. « Rien ne m'est plus cher que mes enfants de Saint-Cyr, » écrivait-elle, « j'en aime tout jusqu'à leur poussière. Je m'offre avec tous mes gens pour les servir, et je n'aurai nulle peine à être leur servante, pourvu que mes soins leur apprennent à s'en passer. » Racine, à la prière de Madame de Maintenon, composa pour Saint-Cyr, Esther et Athalie, deux poèmes dramatiques, deux chefs-d'œuvre, le dernier surtout, qui n'a peut-être rien de comparable dans aucune langue. Après l'achèvement de Marly, le roi y allait souvent dîner ou souper avec Madame de Maintenon et quelques dames. Il y passa d'abord de temps en temps un ou deux jours de la semaine, puis trois ou quatre, et à la fin des semaines entières. Dans le commencement, il y conduisait peu de monde, puis davantage. C'était une faveur que d'y aller, et il voulait qu'on la lui demandât. À Marly, on vivait comme à Versailles, mais avec moins d'étiquette. On dînait avec le roi, à plusieurs tables qui étaient dans la même pièce. Il en tenait une ayant Madame de Maintenon en face de lui, Monseigneur une autre. Le soir on jouait, ou bien il y avait musique, divertissement, etc. À Marly, comme à Fontainebleau, à Choisy, et dans toutes les résidences royales, le roi passait toujours une partie de la soirée chez Madame de Maintenon. Trianon, achevé en 1688, offrait aussi un moyen de varier les journées. On lit dans Dangeau, 22 janvier 1688. Le roi alla, pour la première fois, dîner à sa maison de Trianon. Il y avait dans son carrosse Monseigneur, Madame de Maintenon, Madame de Noailles, la comtesse de Guiche, Madame de Montchevreuil, Madame de Saint-Géran et Madame de Mailly. Le roi y donnait de fréquentes collations aux seigneurs de la cour et aux dames. Telle était la vie brillante, animée, variée même dans sa régularité et son étiquette, que l'on continuait de mener à la cour, laquelle ne se composait d'autre chose que de l'élite de la société du temps, se retrouvant là sans cesse comme dans son centre et jouissant d'elle-même autour du monarque. L'influence de Madame de Maintenon, qu'on s'imagine avoir tout étouffée sous une dévotion triste et sévère, ne porta point atteinte à ses divertissements, et elle contribua même personnellement à l'éclat de cette époque, en rendant à la cour les nobles plaisirs de l'esprit qu'on y avait goûté autrefois, par les belles représentations d'Esther et d'Athalie qu'elle fit donner à Saint-Cyr en 1689 et 1691. En tout ce qu'on pourrait appeler le petit comité, c'est-à-dire dans les promenades, dans les dîners et les soupers particuliers, elle était toujours présente. Quant aux fêtes et aux grandes réceptions de ce qu'on appelait l'appartement, elle s'y montrait de loin en loin, mais quand elle y paraissait, elle y tenait fort bien sa place. Sa journée était réglée sur celle du roi. On lit dans les mémoires de Mademoiselle d'Aumale. Elle se levait ordinairement entre 6 et 7 heures et allait aussitôt à la messe où elle communiait 3 ou 4 fois la semaine. Pendant qu'elle s'habillait, elle se faisait lire quelques pages du Nouveau Testament ou de l'Imitation et disait « Je profite un peu de ce temps que j'ai pour ces lectures, car on ne m'en laisse guère d'autres. » Le reste de la journée était occupé selon ses affaires ou selon ce que faisait le roi, qu'elle accompagnait souvent. Quand elle était libre, elle passait le plus possible ses matinées à Saint-Cyr. Le roi venait régulièrement chez elle tous les jours vers 5 ou 6 heures, quelquefois plus tôt, quelquefois plus tard, selon que sa promenade ou ses conseils finissaient. Quand on était à Versailles, le roi ne venait pas habituellement le matin chez elle, afin de ne pas interrompre sa journée, et qu'elle pût aller à Saint-Cyr les jours qu'elle voulait. Mais à Marly et à Trianon, où il n'y avait pas de conseils, le roi venait chez elle après sa messe jusqu'à son dîner et se promenait souvent avec elle. À Fontainebleau, il y venait aussi presque tous les matins après sa messe, avant de se mettre au conseil, et il y revenait souvent après le dîner.